ma belle, mon océan. Sur ma coque, je te défie, c'est parce que je t'aime tant qu'avec toi, je joue ma vie. Tout a commencé le soir où tu m'as tiré du noir. Tes paupières se déroulèrent dans ton champ. Tu m'attirais, ma belle, mon océan. Sur ma coque, je te défie, c'est parce que je t'aime tant qu'avec toi, je joue ma vie. En moi-même, je t'ai aimé, je ne te connaissais pas. J'ai appris à maîtriser tes rondeurs et tes branle-bas. Ma belle, mon océan, sur ma coque, je te défie, c'est parce que je t'aime tant qu'avec toi, je joue ma vie. Tes colères se font violentes, j'en attrape froid au corps. Mais tu sais être charmante quand tu m'offres tes trésors. Ma belle, mon océan, sur ma coque, je te défie, c'est parce que je t'aime tant qu'avec toi, je joue ma vie. À présent, sur mon rafio, je vais me traîner sur ton dos. La lutte sera à bout de bras, c'est le plus dur qui gagnera. Ma belle, mon océan, sur ma coque, je te défie, c'est parce que je t'aime tant qu'avec toi, je joue ma vie, je joue ma vie, je joue ma vie.